À Lunéville, dimanche 22 mars, c'est dimanche prochain, une après-midi solidaire et festive est organisée autour de la Zumba Alzheimer. C'est organisé par l'antenne de France Alzheimer 54. Pour nous en parler, nous avons au téléphone Geneviève Mangin. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Alors, comment est venue l'idée de cette Zumba Alzheimer à Lunéville? Alors, l'idée est venue au fait que je fais de la Zumba avec Anne-Sophie Antoine, ma coach, qui, elle, fait beaucoup d'actions solidaires de ce type, notamment une grosse journée en décembre pour la leucémie, par exemple. Mmh. Et donc, je lui ai posé la question, est-ce que tu serais d'accord pour faire une action pour la maladie d'Alzheimer? Tout de suite, elle a été d'accord. Donc, on s'est lancé là-dedans, ça fait bien 6 mois maintenant, et puis voilà. Quel type d'activité faites-vous à Lunéville avec l'antenne locale de France Alzheimer? On n'en fait plus là, de l'art-thérapie, de la musicothérapie, de la graphologie, du langage. Et puis, on a fait de la médiation animale. On aimerait bien faire de l'équithérapie. On a été voir plusieurs fois une personne qui travaille à Bayon comme équithérapeute. Ce serait pas mal, ça. On fait surtout une formation des aidants. Ça, c'est ce que les personnes préfèrent, en fait. Ça les aide beaucoup pour eux, pour leur quotidien, de connaître un peu la maladie de A à Z. Hein. Voilà. Alors, ce rendez-vous de dimanche prochain va permettre de faire connaître bien l'antenne locale, aussi de récolter de l'argent pour vos ateliers, vos activités. Voilà, exactement. C'est le but. Alors dites-nous, on a compris qu'on allait bouger avec Anne-Sophie Antoine. Quoi d'autre au programme de cet après-midi, dimanche? Eh bien, une chorale. La chorale de Croix-Mar, Si on chantait, qui intervient de 14 à 15 heures avec 30 choristes. Pareil, ils viennent en nombre, hein, vachement sympa. Tout de suite, la chef de chœur m'a dit « Oui, on viendra ». Donc, on est très, très heureux. Parce que là, si vous voulez, on rassemble pas mal d'ateliers, finalement. La musique, la danse, le chant. Alors, tout le monde va être heureux. Intergénérationnel aussi. Le répertoire de la chorale, c'est Jean-Jacques Goldman. Bon, qui ne connaît pas Jean-Jacques Goldman? Et tout le monde va chanter. Voilà, en gros, ça va être super. Voilà, un rendez-vous solidaire. C'est ouvert à tous. C'est à partir de quelle heure? Ouvert à tous. Nous, on sera là à partir de 13h. Donc, les gens peuvent arriver à partir de 13h. Mais ça commence, la chorale, à 14h. Jusque 15h, on a un petit entracte. Et à 15h30, la Zumba. Et à 17h, c'est fini. On ferme. Et on ferme. Et on n'a pas dit où est-ce que ça se passait, à Lunéville? Eh bien, au gymnase de la Barolière, près des impôts, c'est indiqué, rue de la Barolière, gymnase de la Barolière. Les tarifs, c'est 2 euros pour les moins de 10 ans, c'est ça? Voilà, et à partir de 11 ans, 5 euros. Vous voyez, c'est pas cher. C'est pas cher pour passer un bon moment, une bonne après-midi dimanche prochain, une petite restauration sur place aussi, j'imagine. Alors oui, pareil, alors plein de gâteaux. Tout le monde s'est proposé pour me faire des gâteaux, c'est super sympa, et des crêpes. On a des crêpes sur place, on aura 2 crêpières et ça va être génial. Du café et plein de boissons. Plein de boissons de non alcoolisées, je précise. Merci beaucoup Geneviève Mangin. Ouais. Eh bien, on vous souhaite d'avoir plein de monde dimanche prochain au gymnase de la Barolière à Lunéville. Ah, c'est gentil, merci beaucoup.